Je suis la tentation, c'est sur moi que le mal mise. Je vends vos âmes au diable, je suis votre supplice. Aucune excuse recevable, votre vie reste négociable. Votre destin n'est plus valable, je suis un couteau dans un cartable. Un meurtre de la police, un ex plus supportable. Un viol d'une petite mise, et l'enfer devient sortable. Peu importe qui je vise, vie aux jeunes, l'enfer m'y autorise. Certains se tuent au tournevis, car c'est moi qui vous tourne au vice. Le monde tourne fou et je me répète encore une fois. Pour se sortir du trou, certains en creusent deux ou trois. Beaucoup deviennent des loups, mais ce n'est pas forcément par choix. À force de prendre des cours, devient à tous des hors-la-loi. Je me crève chaque jour pour essayer de garder mon toit. Braque une banque, un bijoutier, la belle vie sera pour toi. Je me lève chaque jour pour essayer de garder mon emploi. Tu craques, je sais, entre dans cette bosse et braque-là. Je dois le surmonter, je suis honnête, je suis un homme droit. Je te l'ai proposé, tu te prends la tête alors que le fric est là. Je n'ai qu'une dette et ce serait bête de faire un faux pas. Faut juste doser, chaque jour la fête est une vie droit. Je ne veux pas faire que paraître, je veux rendre heureux autour de moi. T'auras l'occasion de partager, qui est-ce qui t'en empêchera? Qui est-ce qui ferait l'affaire? Il faut planifier tout ça. Voilà qui va me plaire, il faut un appel qui coule et on y va. Je suis la tentation, c'est sur moi que le mal mise. Je vends vos âmes au diable, je suis votre supplice. Aucune excuse recevable, votre vie reste négociable. Votre destin n'est plus valable, je suis un couteau dans un cartable. Un meurtre de la police, un ex plus supportable. Un viol d'une petite mise, et l'enfer devient sortable. Peu importe qui je vise, vie aux jeunes, l'enfer m'y autorise. Certains se tuent au tournevis, car c'est moi qui vous tourne au vice. Chaque jour je suis à l'œuvre, je suis le politique dans ton 20h. Je parle de guerre sans peine comme lui, je suis un bon acteur. Sans peur j'incarne la haine, certains historiques me nomment Führer. Je suis dans l'idée première, la destruction de toute forme de bonheur. Monsieur le Président, vous nous dites que cet homme est à bas. Mais c'est évident, c'est une menace pour le peuple qui nous a mis à bout. Vous évoquez ces attentats dans nos villes, un véritable massacre. Absolument, notre pays en gardera la trace tant que cet homme sera doux. Que comptez-vous faire négocier avec l'OTAN pour vous aider dans la tâche? Nous n'avons pas besoin d'aide depuis le temps que l'Europe joue la lâche. Vous n'avez pas peur en partant à la guerre que le monde se fâche? N'ayez aucune crainte, avec un crime comme celui-là, tout le monde se rattache. Il est vrai que ces meurtres ont attiré la sympathie de la moitié de la planète. Et il faut dire que l'autre n'est plus qu'habité que par des esclaves honnêtes. Certaines personnes parlent de conspiration, que diriez-vous à ces gens pas nets? Il faut arrêter ce grand dans un film, il devrait se sentir comme des traits. Je suis la tentation, c'est sur moi que le mal mise. Je vends vos âmes au diable, je suis votre supplice. Aucune excuse recevable, votre vie reste négociable. Votre destin n'est plus valable, je suis un couteau dans un cartable. Un meurtre de la police, un ex plus supportable. Un viol d'une petite mise, et l'enfer devient sortable. Peu importe qui je vise, vie aux jeunes, l'enfer m'y autorise. Certains se tuent au tournevis, c'est moi qui vous tourne au vice. Le vice a plusieurs visages, les vieux côté d'enfants veillent des calages, les obus dans des villages, il engendre la vengeance, il n'est que rage. Et ce n'est pas sage de se laisser prendre dans la tourmente du diable. Partout il se cache, vous avez l'occasion d'éviter l'impardonnable. Ne soyez pas victime, mais ne soyez pas coupable. C'est un choix que vous faites, apprenez le mot raisonnable. La conscience en tête, évitez les dérapages. Car l'histoire nous guette, elle est prête à nous effacer de ses pages. La dernière minute de l'humanité sera un regret qu'on a prémédité. Car tout est calculé, vous avez le choix de ne pas l'accepter. Les gens ignorent le mal, parce que le mal est partout. L'homme reste un animal, l'homme est un cro-magnon fou qui joue avec le feu. L'homme n'est plus un enfant doux, il crame sa terre natale. Je n'entends plus les chants de loup. La voix rapide, la voix fatale accélère, c'est que c'est tout. Imagine un beau final alors que la mort se pointe au bout. Je suis la tentation, c'est sur moi que le mal mise. Je vends vos âmes au diable, je suis votre supplice. Aucune excuse recevable, votre vie reste négociable. Votre destin n'est plus valable, je suis un couteau dans un cartable. Un meurtre de la police, un ex plus supportable. Un viol d'une petite mise, et l'enfer devient sortable. Peu importe qui je vise, vie aux jeunes, l'enfer m'y autorise. Certains se tuent au tournevis, car c'est moi qui vous tourne au vice.